5.14 Observation Matters of Age. Quel âge a Cécile? Oh, elle a 21 ou 22 ans. Elle a aussi deux sœurs, une mère, un prénom, etc. Mireille est jeune, elle a 18 ans. Cécile est plus âgée. Elle a 21 ou 22 ans. Note that age is indicated by the verb avoir and the number of years. J'ai 20 ans, elle a 18 ans.